Mais Starship, c'est la future fusée géante d'Elon Musk, destinée à la colonisation martienne. Hier, la fusée a bien réussi son décollage, mais s'est crashée à l'atterrissage après 7 minutes de vol environ. Néanmoins, selon le patron de SpaceX, cet essai fut un succès. Les trois moteurs Raptor ont permis au vaisseau d'atteindre plus de 12 km d'altitude. Toutes les étapes ont été réussies, le vaisseau s'est bien redressé pour se mettre en position verticale pour l'atterrissage, mais la vitesse était trop élevée, la descente a été plus rapide que prévu, et Starship s'est donc explosé au sol. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le journal des sciences de la semaine et également le journal de la science-fiction. Valérie Masson-Delmotte, je ne résiste pas à vous demander une réaction sur cette étude publiée dans Nature qui indique que donc la masse mondiale d'objets manufacturés, artificiels, a dépassé la biomasse. Oui, c'est une illustration, comme c'était dit, de l'importance des activités humaines à l'échelle planétaire. Qui affecte les flux de matière, qui affecte le vivant et puis qui affecte le climat planétaire. On va discuter un peu donc avec vous, Valérie Masson-Delmotte, de ces 5 ans de l'accord de Paris. Je vais commencer par quelque chose que vous déclariez le 10 novembre dernier dans l'émission de ma camarade Aurélie Luneau de Cause à Effet. Vous disiez, Valérie Masson-Delmotte, même si tous les pays avaient tenu leurs engagements pris en 2015, ça nous mettrait sur une trajectoire où les émissions mondiales de gaz à effet de serre continueraient à augmenter jusqu'en 2030 avec un réchauffement de 3 degrés. Donc il y a une incohérence profonde entre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Valérie Masson-Delmotte, ça veut dire que dès le départ, il y a une sorte de dissonance cognitive, un peu, en tout cas en France, autour de cet accord qui a été présenté comme un grand succès international pour la planète, également évidemment de la diplomatie française. Et pourtant, dès le début, le 12 décembre 2015, des voix disaient que cet accord était finalement utopique, qu'il était beaucoup trop en deçà par rapport à la réalité du réchauffement climatique tel qu'on le connaissait déjà il y a 5 ans. En fait, moi, d'abord, je voudrais vous remercier pour le temps que vous consacrez à cette thématique et puis inviter tous les auditeurs qui le souhaitent à prendre connaissance du texte même de l'accord de Paris, qui est sur le site internet de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et les représentants des différents pays à la rédaction de cet accord avaient noté avec préoccupation que les promesses mises sur la table à ce moment-là en 2015, si elles étaient toutes mises en œuvre, impliquerait la poursuite à la hausse d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et ce qu'il faut bien rappeler, c'est quelles sont les conditions qui permettraient de tenir finalement les objectifs de l'accord de Paris. Et l'objectif principal de cet accord, c'est de parvenir à contenir le réchauffement à la surface des continents et de l'océan, donc à la surface de la Terre, largement en dessous de 2 degrés, avec l'aspiration de le contenir à 1,5 degré, par rapport au climat pré-industriel, donc la fin du 19e siècle. Et les connaissances scientifiques vis-à-vis des conditions pour tenir ces objectifs sont les suivantes. Pour cela, il faut que les émissions mondiales de dioxyde de carbone baissent fortement pour atteindre le net zéro au niveau planétaire. C'est vraiment cette idée qu'il y a un effet cumulatif des émissions de dioxyde de carbone et que donc un certain niveau de réchauffement va être compatible avec une certaine quantité à émettre, tenant compte des émissions passées, actuelles et à venir. Et donc, pour ce gaz particulier, qui a vraiment un rôle particulier sur le climat, l'enjeu pour contenir le réchauffement largement en dessous de 2 degrés, c'est que les émissions mondiales entre 2010 et 2030 diminuent en gros d'un quart et soient à zéro dans le monde à horizon 2070. Et si on regarde un objectif encore plus ambitieux, puisqu'on est aujourd'hui déjà à 1 degré de réchauffement, si on voulait contenir le réchauffement planétaire autour d'un degré et demi, alors c'est plutôt une diminution de l'ordre de 45% d'ici 2030 qui serait nécessaire, et puis le net zéro à horizon 2050. Donc on voit bien que l'enjeu, c'est double. C'est à la fois d'avoir une vision de long terme pour chaque pays, d'atteindre cette neutralité carbone ou neutralité tout gaz à effet de serre. Il y a de plus en plus de pays qui l'intègrent. C'est maintenant le cas de 126 pays qui représentent environ 51% des émissions mondiales. C'est nouveau. Et si les États-Unis intègrent un objectif de long terme de neutralité carbone, mais ce serait 63% des émissions mondiales. Ça n'est pas exclu dans les mois à venir. Suite au changement de présidence, évidemment. Ça fait partie, en tout cas, des discours électoraux qui ont été tenus. Et puis, donc ça, c'est le côté long terme. Et puis, si on regarde du côté court terme, Donc même avec des contributions volontaires nationales initiales qui n'étaient pas assez ambitieuses, et les pays le savaient, parmi les pays du G20 qui pèsent lourdement, hein, les 20 économies les plus puissantes de cette planète, représentent quasiment 80% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors il y en a 9 qui tiennent leurs engagements. C'est par exemple le cas pour l'Union européenne avec le Royaume-Uni, hein, pour cette partie du monde. C'est aussi le cas de la Chine. Mais ça n'est pas le cas pour 5 des grands émetteurs mondiaux qui, en fait, ne tiennent pas les objectifs qu'ils avaient annoncés en 2015. Et qui sont ? Alors, c'est l'Australie, le Brésil, le Canada, la Corée du Sud et les États-Unis. Mmh. Et puis, la construction même de l'accord de Paris, c'est quelque chose qui est itératif. C'est-à-dire que les pays se donnent des mécanismes de transparence, font des engagements et révisent ces engagements tous les 5 ans. Donc l'année 2020 aurait dû être l'année où les pays mettaient sur la table, non pas leurs promesses à horizon 2050 ou 2060, mais aussi ce qu'on appelle leur contribution déterminée nationalement, c'est-à-dire leurs engagements pour les années à venir, à horizon 2025, à horizon 2030. Donc ça manque beaucoup, ces contributions révisées pour les pays du G20. Et donc on voit ce décalage. Et puis dans ce jeu d'acteurs, il y a bien sûr le bouleversement dû à la pandémie actuelle. Bien sûr. Donc, les réponses pour essayer de limiter la propagation du virus, eh bien, elles ont conduit à limiter les déplacements, à un ralentissement de l'activité industrielle, à des situations de crise en cascade, en fait, hein, sociale, économique. Donc, pour l'année 2020, temporairement, les émissions mondiales de dioxyde de carbone vont baisser de l'ordre de 7%, c'est l'estimation qui est disponible aujourd'hui, avec une plage qui va de 2 à 12%. Mais ça n'a rien à voir, en fait, avec les transformations structurelles qui permettent finalement de gagner en efficacité énergétique, de développer les sources d'énergie bas carbone et donc de découpler l'activité économique des émissions de gaz à effet de serre. Mais on reviendra, Valérie Masson-Delmotte, tout à l'heure, hein, sur la pandémie, sur ce qu'elle a induit pour cette année 2020 et sur ce que cela peut créer par la suite avec la crainte, on l'a déjà entendu, on en avait parlé ici même, d'un redémarrage un peu à marche forcée de l'économie et donc des émissions. J'aimerais, puisqu'on parle justement de ce bilan d'étape à 5 ans après, et notamment pour la France, vous faire entendre deux documents. Un d'il y a 5 ans, qui posait, vous allez l'entendre, un certain nombre d'objectifs, et puis un compte-rendu de la situation aujourd'hui en France avec les derniers chiffres disponibles. Tout d'abord, François Hollande à l'ouverture de la COP21. C'est un jour historique que nous vivons. La France accueille 150 chefs d'État et de gouvernement, des milliers de délégués venus de tous les continents. Jamais une conférence n'avait accueilli autant d'autorités venues d'autant de pays. Mais jamais, je dis bien jamais, l'enjeu d'une réunion internationale n'avait été aussi élevé. Car il s'agit de l'avenir de la planète. C'est pourquoi nous sommes réunis. Nous allons décider en quelques jours, pour quelques décennies. Le plus grand danger n'est pas que notre but soit trop élevé et que nous le manquions. Le plus grand danger, c'est qu'il soit trop bas et que nous l'atteignions. Alors, plaçons-nous au plus haut niveau pour que, au moins, nous puissions approcher cette ambition. Car il s'agit de décider ici, à Paris, de l'avenir même de la planète. Voilà, on entend bien, hein, dans la solennité du président français, l'ambition qui était celle de cette COP21 et de la volonté d'aboutir à un nouvel accord après celui de Kyoto. Écoutez ce qu'en disaient des confrères 5 ans après, en tout cas pour ce qui est de la part de la France. L'accord de Paris a dessiné cette trajectoire. Où en est la France ? Eh bien, si on regarde la courbe, on est dans le rouge. Je vous donne un chiffre. Nos émissions de CO2 devraient théoriquement baisser chaque année d'1,5%. Or, elles ne diminuent que de 0,9%. C'est presque moitié moins que ce qu'il faudrait. En plus, les objectifs seront plus exigeants à partir de 2023. Pour rester dans les clous, il faudra réduire les émissions de gaz à effet de serre deux fois plus vite, c'est-à-dire de plus de 3% par an. Donc faire deux fois plus d'efforts. Et ça veut dire permettre aux Français d'acheter très vite des voitures électriques et d'isoler efficacement dans leur logement ou encore de transporter les marchandises par train plutôt qu'en camion. Alors Virginie, juste pour bien comprendre ce que vous nous dites, on parle bien de l'accord de Paris, et Paris, la France, ne le respecte pas, enfin pour l'instant. Voilà, c'est... exactement, il y a des politiques de réduction des émissions, hein, elles existent, mais elles ne vont pas du tout assez vite. Valérie Masson-Delmotte, une réaction à ces deux archives ou à ces deux extraits sonores ? Oui, alors la première, c'est bien sûr que l'accord de Paris, c'est un aspect nécessaire pour avoir en tout cas un cadre transparent au niveau international vis-à-vis de l'action pour le climat qui porte pas uniquement sur les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi sur la coopération pour de nombreux aspects ou bien l'adaptation à un climat qui change. Et au-delà du cadre national, donc qui est construit par l'accord de Paris sur le climat et puis toute une sorte de livret de procédure que les négociateurs des différents pays continuent à construire, il y a toute la mise en œuvre, en fait, d'une gouvernance pour le climat à l'échelle de chaque pays, à l'échelle de chaque région, à l'échelle de chaque ville. Donc on est plutôt là dans une phase, en fait, de mise en œuvre, d'implémentation. Et donc si on prend le cas de la France, elle a inscrit dans la loi une stratégie nationale bas carbone et qui se décline en objectifs par période successive associée à une quantité maximum de gaz à effet de serre qu'elle a choisi d'émettre. Donc ça se décrit comme un budget carbone. Et effectivement, donc la France n'a pas réussi à tenir le premier budget carbone qu'elle s'était fixé de 2015 à 2018, en particulier dans le secteur des transports. Mmh. Et puis pour le deuxième budget carbone, donc la partie 2019-2023, le rythme en fait de baisse des émissions de gaz à effet de serre avait été anticipé à 1,5% par an. Et la baisse en 2019 n'était que de l'ordre de 1%. De 0,9, c'est ce qu'on entendait dans l'émission de radio. Oui, l'objectif a été revu à la baisse. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est maintenant qu'on va aussi construire les conditions pour la poursuite de cet effort. Donc dans le cadre de cette stratégie nationale bas carbone, cette baisse attendue est de l'ordre de 3% par an dès 2025, dans des secteurs, par exemple, comme le secteur de la production agricole, pour lequel beaucoup reste à faire pour que cela puisse se mettre en route à horizon 2025. Mais alors Valérie Masson-Delmotte, on suit vraiment ici de façon quasi quotidienne hein, avec le journal des sciences de Natacha Triou, mais aussi régulièrement dans les émissions du mercredi qui sont consacrées à l'environnement. On suit l'évolution des indicateurs, quels qu'ils soient d'ailleurs, des indicateurs environnementaux, que ce soit ceux des gaz à effet de serre, du réchauffement des températures. On est en 2020 dans une année qui est potentiellement la plus chaude de l'histoire de l'humanité, ou en tout cas dans le top 3. On voit que les émissions de gaz à effet de serre, alors on a vu une très très très légère, je parle évidemment sous votre contrôle, réduction pour 2019 avec moins 0,1%. On a globalement ici, et je pense que c'est aussi le cas pour une grande partie de nos concitoyennes et de nos concitoyens, l'impression que ça n'avance pas, qu'on ne s'en sort pas, qu'on continue à utiliser des centrales à charbon, bref, on a l'impression que ces objectifs, ils ont été fixés, qu'il y a eu une sorte de vivat ou de célébration collective sur la signature de cet accord, mais que concrètement, personne n'y va la main dans la main et qu'il n'y a pas d'impulsion internationale pour limiter le réchauffement climatique. Alors, la première chose, c'est effectivement le constat de réalité. Donc, c'est celui, avant l'année 2020 et la situation de la pandémie, de la poursuite à la hausse des émissions de gaz à effet de serre, principalement liées au secteur de l'agriculture ou de l'utilisation des terres, comme le méthane ou l'oxyde nitreux. Et puis, je dirais plutôt une relative stagnation sur ces dernières années des émissions mondiales de dioxyde de carbone. On n'est pas dans une situation de laisser-faire complet. On a des actions qui ont conduit à moins investir dans le secteur du charbon, avec un point d'interrogation sur ce qui va se faire dans les années à venir du fait de la pandémie. En ce qui concerne l'évolution du climat, l'évolution du climat, elle continue comme elle avait été anticipée, c'est-à-dire la poursuite du réchauffement planétaire. Vous l'avez dit, l'année 2020, malgré un événement La Niña, risque d'être l'une des plus chaudes jamais enregistrées depuis qu'on a un suivi par des instruments météorologiques. Cela continuera à être le cas avec des fluctuations d'une année à l'autre, mais une tendance à l'augmentation dans les prochaines décennies. On a également des connaissances récentes qui montrent que on n'a pas en fait des évolutions qui sont totalement inéluctables. Il faut bien comprendre que si on agit à toutes les échelles possibles, on peut limiter le rythme d'augmentation de la température à l'échelle planétaire et parvenir, en cas de baisse régulière année après année, à une stabilisation, mais ça va se faire à l'échelle de 20 à 30 ans. Je vais faire l'analogie avec l'action par rapport à la propagation du coronavirus actuel. Quand on a des signes avant-coureurs d'une remontée d'épidémie, on peut mettre en place des mesures volontaires ou imposées. Et puis, si elles sont respectées, on aura en fait les résultats au bout de plusieurs semaines. Là, la question du climat, c'est vraiment une échelle de temps plus longue et qui pose de vrais défis en matière de mise en œuvre. Mais on n'est pas complètement sur un scénario de laisser-faire. Par exemple, dans les pays de l'OCDE, donc les pays les plus riches, le pic en fait d'émissions est passé, en particulier par des gains en termes d'efficacité énergétique, le déploiement de l'énergie bas carbone et un découplage finalement entre l'activité économique et les émissions. On observe aussi un découplage ramené aux individus. Par contre, ça n'est pas le cas, en particulier dans les pays émergents, où la demande pour pouvoir vivre dignement, pour avoir l'accès à l'énergie, à l'électricité, est telle qu'en fait cela dépasse les gains associés à l'efficacité énergétique. Et c'est là où est vraiment l'enjeu actuellement. Alors, si je puis me permettre, et là aussi je parle sous votre contrôle, mais je crois que la Chine ne figure pas dans les pays de l'OCDE, donc c'est tout de même un des plus gros, si ce n'est, je crois, aujourd'hui le plus gros pollueur de la planète. Alors, la Chine pèse... Alors, on a plusieurs manières de regarder les responsabilités. On peut regarder les responsabilités historiques. loin de moi de pointer un pays par rapport à un autre. Ce que je veux dire, c'est que quand on prend... Parce que c'est vrai que pour les auditrices et les auditeurs, quand on parle d'un moment donné des pays du G20, à un autre moment donné des pays de l'OCDE, on imagine que ça représente des pays qui sont effectivement les plus riches, mais parmi lesquels il manque parfois certains membres qui sont des membres importants. Et en l'occurrence, sur le bilan carbone, il manque la Chine dans l'OCDE. Oui, vous avez raison, mais ce que je voulais juste dire, c'est que les pays dits développés ont une responsabilité historique plus grande par le cumul des émissions passées et actuelles. La Chine, effectivement, comme pays, est un des plus grands émetteurs. Mais si vous regardez les émissions par habitant, la situation était très contrastée. Et des pays comme les États-Unis, le Canada, l'Australie, les pays du Golfe ou la Russie ont des émissions par habitant qui restent extrêmement élevées. Et une autre dimension que l'on peut regarder sur ce constat international, ça a été rappelé dans le rapport du programme des Nations Unies pour l'environnement sur ce qu'on appelle le gap par rapport aux émissions et aux trajectoires qui permettent de stabiliser le réchauffement. C'est aussi le poids des styles de vie, des modes de vie et de la consommation des ménages. Et il faut aussi rappeler que ça pèse pour 2/3 en fait dans le monde des émissions de gaz à effet de serre avec des choix qui peuvent être faits en matière de mobilité, en matière de logement, d'isolation, de type de chauffage ou de refroidissement, et de choix alimentaires. Et ces trois derniers secteurs pèsent pour environ 20% de l'empreinte des ménages. Et là, les inégalités sont aussi frappantes, au sens où, dans le monde, les 1% des personnes les plus riches émettent 2 fois plus de gaz à effet de serre que les 50% des personnes les plus pauvres. Donc, quand on prend la question des responsabilités, je pense que c'est important de le nuancer. Et si on le ramène encore une fois pour le cas de la France, c'est particulièrement frappant. Pourquoi ? Parce que sur les émissions par Français sur le territoire national, donc ce qui est produit et consommé sur le territoire national, nos émissions sont plutôt dans la moyenne basse des pays riches, autour de 6,6 tonnes de CO2 équivalent, en prenant en compte tous les gaz à effet de serre, par personne et par an. Mais si on prend en compte le transport international et le bilan net du commerce mondial, et en particulier le poids des importations pour tout ce qu'on consomme en textile, en produits, en équipement numérique, en électroménager, qui est importé d'autres pays, ça double quasiment notre empreinte et elle est autour de 11,5 tonnes CO2 équivalent par personne et par an, et avec les plus grandes difficultés à une diminution. Par contre, il y a des leviers d'action. Il y a des leviers d'action vis-à-vis, par exemple, du commerce mondial. On voit que l'Union européenne commence à suggérer de durcir les conditions des accords de commerce par rapport aux pays qui ne respectent pas leurs engagements internationaux. C'est un facteur d'entraînement aussi par rapport aux entreprises sur leurs filières d'approvisionnement, leurs chaînes de valeur. Et puis, si cette information était davantage accessible aux consommateurs, donc l'empreinte en fait carbone des produits de consommation courante, ce serait aussi un levier qui manque aujourd'hui pour pouvoir faire des choix en étant pleinement informé. Et je veux rebondir sur cette question en fait du fait de tenir ou non les engagements. C'est par exemple le cas du Brésil. On a au Brésil une déforestation qui est repartie très fortement à la hausse ces dernières années. C'est le résultat d'un choix en fait politique associé au développement de l'agro-industrie au Brésil. Alors que l'engagement que le Brésil avait fait avec finalement le gouvernement précédent dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, c'était de parvenir à stopper la déforestation à horizon 2025. Donc là, on est vraiment sur une situation, je dirais, géopolitique, de non-respect d'engagement pris par le pays, par le gouvernement actuel. Mais c'est-à-dire qu'on voit effectivement bien ces deux équilibres. On voit, comme vous le dites, des pays qui font des efforts plus ou moins importants, mais qui arrivent tout de même à des chiffres qui peuvent commencer à ressembler à des chiffres significatifs. Vous le citiez tout à l'heure, Valérie Masson-Delmotte, hein, moins 7,5% de rejet carbone pour les membres du G20. Donc ça veut dire que on avance d'une part. De l'autre côté, on a effectivement les situations du Brésil, des États-Unis avec des changements politiques importants qui vont complètement anéantir les efforts consentis auparavant, et l'un dans l'autre avec bien d'une part des pays riches qui font quelques efforts mais qui sont des efforts que l'on peut estimer globalement non pas timides mais insuffisants, même si ça finit par avoir une sorte d'effet boule de neige d'une certaine manière, et de l'autre côté des pays qui sont des gros producteurs et qui sont soumis aux aléas politiques et donc qui eux font complètement machine arrière, on a l'impression que tout ça ce sont un peu des forces contraires et qu'en tout cas ça freine de manière importante les efforts à consentir dans un moment où on est, vous disiez tout à l'heure qu'on a déjà atteint un degré de réchauffement, de mémoire et toujours sous votre contrôle, je crois qu'on est à 1,2 ou à 1,3 pour l'année 2020. On a l'impression qu'en fait c'est comme essayer d'arrêter un train qui va à trop grande allure, qu'on n'y arrivera pas collectivement ou internationalement. Alors en fait je ne peux pas moi juger de ce qui est faisable ou pas faisable. Mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a des solutions qui existent. Et il y a des solutions qui sont liées à l'innovation technologique. Il y a des solutions qui sont liées à des solutions qui soient abordables pour les personnes qui ont des revenus très contraints. Il y a des solutions qui tiennent à de l'innovation sociale. Et puis, je pense que ce qui est un des points vraiment de blocage profond, c'est des méthodes pour la prise de décision. Alors, on va revenir dans le cas de la France, qu'on a regardé attentivement par les évaluations faites dans le cadre du Haut Conseil pour le climat. Ce qui est particulièrement frappant, c'est qu'on a cette stratégie nationale bas carbone, mais qu'elle peine, encore aujourd'hui, 5 ans après la signature de l'accord de Paris en France, elle peine à se décliner en feuille de route précise, ministère par ministère. On n'a pas encore, par exemple, dans l'examen de projets de loi, de méthodologies qui permettent d'évaluer si les projets de loi sont neutres vis-à-vis du climat ou vont au contraire permettre d'aligner des choix par rapport à la stratégie nationale bas carbone ou au contraire être des obstacles à son déploiement. Je pense en particulier sur les dernières années à des lois qui ont touché à des aspects de production agricole et d'alimentation ou à des lois qui ont porté sur la mobilité qui n'ont pas été examinés à l'angle de la stratégie nationale bas carbone. C'est évidemment plus le cas sur les lois qui portent sur l'énergie. Bien sûr. Et puis on a aussi la déclinaison régionale qui est importante. Donc il y a des plans climat, air, énergie, territoriaux qui sont faits par les communes, qui sont faits par les régions. Mais on n'a pas encore de capacité à évaluer si la somme des efforts territoriaux est cohérente et compatible avec la stratégie nationale bas carbone. Donc moi, en fait, je suis chercheuse. Mes propres domaines de recherche ont porté sur les climats passés, donc je ne suis pas une spécialiste d'administration publique, mais c'est très frappant pour moi qu'il y a vraiment un manque de mise en œuvre, de gouvernance, qui rentre les enjeux climat vraiment au cœur des politiques publiques. Et on voit par contre quelques progrès qui se font sur l'évaluation des budgets, ce qu'on appelle le green budgeting, c'est-à-dire sur dans la gestion finalement du budget de la France, d'arriver à analyser les financements qui sont au service de la transition, qui vont apporter des bénéfices, par exemple, pour l'isolation des logements, et donc la baisse de la demande en chauffage au gaz fossile, par exemple, ou au fioul. Et à côté de ça, il y a aussi en fait des subventions cachées aux énergies fossiles, sous forme, par exemple, de carburants non taxés dans certains secteurs ou de subventions publiques, qui demandent à être bien plus clairement visibles, de sorte à ce que les choix budgétaires permettent aussi finalement de donner les moyens pour la mise en œuvre des stratégies publiques. Et donc, vous me disiez que vous aviez le sentiment que ça avançait lentement. Ça avance lentement, mais dans beaucoup de pays du monde, cet effort, en fait, de nouvelle approche budgétaire, cette approche de mise en œuvre au niveau des différents ministères, au niveau de la prise de décision, au niveau de l'articulation des échelles locales aux échelles nationales, commence à se mettre en œuvre. Et donc, moi, je suis plus nuancée que vous, au sens où je vois aussi tout cet effort qui est là, mais qui parfois bute pas uniquement sur des aspects de réglementation, de méthodologie, qui bute aussi sur des enjeux de compétences et de formation sur ces aspects-là. On va continuer à discuter avec vous, Valérie Masson-Delmotte, de ces 5 ans de l'accord de Paris. On va reparler de d'un événement important qui s'est passé depuis 2015 et qui est toujours en train de se passer. Eh bien, c'est celui de la pandémie de Covid-19 qui a eu peut-être des effets bénéfiques, peut-être des effets au contraire moins bons quant à la tenue de ces accords. Et puis, on va essayer de voir quelle est aussi, comme vous le disiez, quelles sont non seulement les solutions et comment on peut continuer à se projeter pour essayer de voir s'il est toujours vraisemblable d'imaginer de terminer ce 21e siècle en restant en dessous des 2 degrés de réchauffement climatique ou si c'est un objectif qu'il faut commencer à penser réviser. Garde les yeux ouverts de Bazar Bellamy à 16h33 sur France Culture, toujours et encore en soutien à la scène musicale indépendante française pendant cette période difficile pour les artistes, et ce à l'initiative de notre réalisateur Olivier Bétard. Nous recevons tout au long de cette heure Valérie Masson-Delmotte pour parler des 5 ans de l'accord de Paris. Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue, directrice de recherche au CEA et co-présidente du groupe de travail sur les bases physiques du climat du GIEC. Alors, vous l'avez évoqué rapidement et je trouve que c'est très intéressant finalement cette comparaison que l'on peut faire, ou en tout cas le rapprochement que l'on peut faire avec la pandémie de Covid. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que, on a entendu que les confinements nombreux ont conduit à une baisse des émissions de gaz à effet de serre. On a également entendu que cette baisse, finalement, ne pèserait pas bien lourd, que ce soit dans les objectifs de l'accord de Paris, mais tout simplement sur le climat planétaire ou sur le réchauffement climatique. Est-ce que c'est vrai, ça, Valérie Masson-Delmotte? Ça ne va rien changer? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que donc le ralentissement de l'utilisation des véhicules pour le transport, le ralentissement de l'activité industrielle, ça a conduit à une baisse temporaire d'un ensemble d'émissions de différents composés. À court terme, certains d'entre eux ont conduit à une amélioration très transitoire de la qualité de l'air. Et puis, quand c'est reparti comme avant, on a retrouvé la situation précédente. Si on prend les émissions de dioxyde de carbone, donc un gaz à effet de serre particulièrement important pour le climat, la baisse en fait dans le monde, elle a été estimée autour de 7%, c'est un peu plus en Europe, c'est plutôt de l'ordre d'une dizaine de pourcents, on va dire. Et il faut prendre l'image de l'atmosphère comme une sorte de baignoire. Donc les activités humaines ont ouvert très grand le robinet qui remplit cette baignoire avec des émissions de dioxyde de carbone à hauteur de l'ordre de 40 milliards de tonnes chaque année. Donc temporairement, on a réduit le débit du robinet. Il y en a une partie qui va rentrer dans l'océan, qui conduit à son acidification. Il y en a une partie qui va être stockée par la végétation et des sols. Et donc, le fait de réduire temporellement le débit du robinet puis de le remettre avant, tant que le débit n'est pas à zéro, le niveau dans la baignoire va continuer à monter. Et on estime que l'effet sera quasiment indiscernable sur la teneur en dioxyde de carbone de l'atmosphère et sur l'évolution future du climat. Ce qui est plus préoccupant, et vraiment le point d'attention, c'est pas cette baisse brutale imposée finalement et temporaire. Ce sont les choix qui vont être faits dans les différents pays pour agir pour l'emploi, pour agir pour l'activité économique, ce qu'on appelle parfois la relance. C'est ça. Où vont être orientés les investissements publics? Est-ce qu'ils vont être orientés pour finalement sauvegarder des secteurs très émetteurs de gaz à effet de serre et qui sont en fait à risque dans le contexte où on agit pour le climat? Est-ce qu'au contraire, ils vont être mis pour construire, renforcer des secteurs d'activité porteurs de solutions qui sont amenés à se développer par la suite et qui permettent, tout en assurant de l'emploi, de l'activité économique, de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre? Et on voit aujourd'hui, sur la base des informations qui sont disponibles dans le monde, que parmi les pays du G20, il y en a un quart qui ont mis en place des mesures bas carbone dans les plans de relance. Dont la France notamment, puisqu'en tout cas le président Emmanuel Macron a dit qu'une partie de l'argent de ce plan de relance de l'économie serait consacrée justement aux énergies renouvelables, ou en tout cas à décarboner l'économie française. Oui, tout à fait, c'est une partie importante, donc c'est le cas en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, dans le cadre de ce que l'Union européenne met sur la table, mais c'est aussi le cas par exemple en Corée du Sud ou en Chine, dans une certaine mesure en Afrique du Sud, en Australie ou au Canada. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau, parce que si vous regardez un peu en arrière, lorsqu'il y a eu la crise financière de 2008-2009, à l'époque, en fait, la relance, c'était une relance carbonée qui a été faite, et ça a conduit à perdre quasiment 10 ans d'activité, enfin d'action vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, avec d'ailleurs des conséquences qui avaient été négatives pour l'emploi et même pour l'emploi des jeunes sur la durée. Donc on est dans une situation différente, mais on voit que dans un certain nombre de pays, c'est par exemple le cas de l'Inde, la politique en fait de relance de l'activité économique est très centrée sur les secteurs fossiles et les centrales à charbon en particulier, ce qui est très préoccupant. Oui, par ailleurs, quelle que soit l'intention annoncée par le chef de l'État, on voit aujourd'hui, et ce qui a déjà été fait, qu'il y a beaucoup d'argent, plusieurs dizaines de milliards, 15 pour Air France, 7 de mémoire pour Renault, qui vont à des secteurs qui sont des secteurs qui sont aussi des secteurs du transport et qui sont, encore une fois, le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre. Donc on a du mal à comprendre en tout cas quelle est la logique ou si l'intention est honnête derrière cet effet d'annonce. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, par exemple, si on aide à remplacer un véhicule thermique standard, en fait, tel qu'il existe aujourd'hui, qui a une dizaine d'années, par un véhicule électrique sur de petites masses, un petit véhicule léger, pas un char d'assaut, sur une dizaine d'années, sur le cycle de vie de ce véhicule, même si, en fait, à la production du véhicule et de la batterie, il y a plus d'émissions de gaz à effet de serre, quand on l'utilise avec l'électricité française, ça peut permettre, sur une dizaine d'années, par rapport au véhicule précédent, de baisser de 80% les émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a un potentiel sur une relance par l'investissement dans certains secteurs de contribuer à la baisse des émissions. Par exemple, pour la France, le transport pèse lourdement. C'est 30% des émissions de gaz à effet de serre et la moitié, ce sont les véhicules particuliers. Et par ailleurs, je veux aussi aborder un point qu'on n'a pas trop touché précédemment. Juste avant cela, Valérie Masson-Delmotte, un mot, ça ne vous inquiète pas de voir que les plus gros investissements financiers pour sauvegarder des entreprises de la part de l'État, c'est Air France et Renault, c'est-à-dire c'est le secteur aérien et c'est l'automobile? C'est bien sûr un point de préoccupation parce que la question des contreparties en termes de contribution à la baisse des émissions de gaz à effet de serre devrait être communiquée très clairement et publiquement. Et si on prend le secteur plus largement de l'aviation et du transport maritime international, vous savez qu'ils ne font pas l'objet d'engagements volontaires des différents pays. Et ce secteur, donc à peu près à part égale pour le transport maritime et l'aviation, il pèse que pour le CO2 pour environ 5% des émissions mondiales. Et si c'était un pays, ce serait le septième pays en termes de quantité d'émissions de gaz à effet de serre. Donc cela fait partie des points importants de vigilance, en particulier parce que ce sont des secteurs difficiles à décarboner. Voilà, et donc je comprends bien que le gouvernement français, pour lequel le secteur aéronautique est un secteur important en termes d'activité économique, en termes d'emploi, il est étroitement aussi lié au secteur touristique, dont dépendent beaucoup d'emplois et beaucoup de régions. Je comprends bien qu'il y a des compromis à faire. La question, c'est finalement, sur les plans de relance au-delà de la sauvegarde à court terme, qu'est-ce qui va permettre d'accompagner ces secteurs pour contribuer à la baisse mondiale des émissions de gaz à effet de serre ? Sur le secteur automobile, on est vraiment en ce moment dans une période de transition avec des solutions technologiques qui arrivent, mais la question de l'accompagnement par les pouvoirs publics, elle pourrait être davantage au service des véhicules les plus légers, qui contribuent le mieux, en fait, à réduire les émissions, et être très limité sur des véhicules très lourds, qui sont finalement des fossiles, ou des résidus d'un mode de vie qui n'est pas compatible, en fait, avec l'action pour le climat. Et je termine juste sur un point qu'on a finalement esquissé. C'est la question de comment on construit des transformations de société, des transformations industrielles, qui permettent d'aller vers la neutralité carbone, de baisser les émissions de gaz à effet de serre, mais qui soient aussi éthiques, donc par exemple aussi au bénéfice de la préservation de la biodiversité, équitable et juste et perçu comme juste. Et ça, c'est un enjeu qui est considérable. Sur des plans de relance, on peut par exemple faire des choix qui alignent le potentiel d'emploi avec l'action sur la restauration de milieux naturels ou bien au service de secteurs d'activité comme la rénovation des bâtiments qui alignent des aspects d'emploi, de création d'activités économiques et de bénéfices, par exemple, en termes de précarité énergétique. On a bien vu dans les dernières années, et c'est une des raisons des difficultés de la mise en œuvre de la stratégie nationale bas carbone, que le fait, par exemple, de simplement mettre en place une fiscalité croissante sur les carburants qui pèsent disproportionnellement sur certains ménages dans les zones rurales ou semi-urbaines, qui ont une mobilité contrainte et des revenus contraints, c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Donc ça demande aussi d'aborder la question de l'action pour le climat, pas comme quelque chose qui est une petite boîte dans un coin, qui va se régler avec une petite mesure, mais avec une vision d'ensemble et déclinée dans une réflexion d'ensemble sur l'action vis-à-vis des inégalités sociales, territoriales, l'action également... sur une réflexion d'ensemble sur la fiscalité plus largement. Vous disiez tout à l'heure aussi quelque chose d'intéressant, Valérie Masson-Delmotte, par rapport, en traçant une sorte de comparaison entre la pandémie de Covid et le réchauffement climatique. C'est sur cette question de la latence, c'est-à-dire que on voit bien que pour la maladie Covid, on est contagieux pendant 2 jours et que ça décale finalement les différentes courbes de tests positifs, d'hospitalisation, de réanimation, etc. On voit bien comment 2 jours de décalage, ça a totalement désorganisé la stratégie gouvernementale pour lutter contre l'épidémie. Quand on est sur des décalages de 20, 30 ou 50 ans, est-ce que c'est pas plutôt un mauvais signe de la gestion des pouvoirs publics de ce genre d'urgence quand il y a précisément des effets de latence ? En fait, ça pose la question d'être capable de tenir un cap sur le long terme, qui soit le résultat de larges consensus qui impliquent l'ensemble de la société et qui soit pas amené à fluctuer au hasard des élections et des priorités de court terme. Donc ça, c'est un premier volet. Et sur le deuxième volet, de ce que m'inspire en fait l'analogie avec la situation actuelle de la pandémie, c'est aussi notre capacité à anticiper, donc ne pas agir quand on est le dos au mur devant une situation d'urgence vitale ou qui risque de mettre à mal tout le système de santé publique, et donc la capacité à gérer, à agir par anticipation. Il y a aussi des points d'intersection. Le premier, par exemple, c'est être capable d'avoir des systèmes d'alerte à l'avance pour se préparer. Le deuxième, c'est de bien réfléchir sur là où sont les vulnérabilités. On a vu, par exemple, avec la crise de Covid, qu'on n'est même pas capable de produire rapidement des masques dans notre pays. Ça a été très, très clair. Mais sur l'évolution du climat, on a aussi des vulnérabilités. La France, en métropole et dans les Outre-mer, c'est un des pays du monde et un des pays d'Europe qui concentre beaucoup d'aspects de vulnérabilité aux conséquences du réchauffement climatique. Et une réflexion plus approfondie en gestion de risque qui permet de bien voir en fait pourquoi chaque fraction de réchauffement supplémentaire compte, pas au niveau planétaire, mais aussi chez nous, là où on vit, là où on a envie de protéger, de préserver, de transmettre des lieux de vie, des cultures. C'est quelque chose qui est fondamental et qui n'est pas encore assez fait. Et finalement, le dernier point, c'est aussi la question de la résilience. Donc là, on fait face à une pandémie rare et on voit qu'on arrive à construire cette résilience. On arrive à fonctionner. Ça demande de mettre en place des solidarités, ça demande d'agir autrement. Mais je pense qu'à la fin, ce sera quelque chose, ce sera une des leçons qu'on tirera de la gestion de cette crise. Sur le climat, on a aussi besoin de renforcer la résilience finalement de nos sociétés, de notre développement. On parlait tout à l'heure du transport aérien. J'ai mentionné la question du tourisme. Qu'est-ce que c'est en fait une vision, par exemple pour la France, d'un tourisme soutenable qui joue sa part sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre? C'est pas forcément le même modèle de tourisme qu'avant. Et ça peut être quelque chose qui crée de l'emploi, qui crée de l'activité, qui crée du sens, du lien social. C'est pas encore, cette réflexion-là, elle n'est pas encore construite alors qu'elle est importante pour compte tenu finalement des choix économiques pour notre pays. Qu'est-ce que c'est en fait la résilience pour le littoral? Qu'est-ce que c'est la résilience pour la montagne? On voit aujourd'hui la situation critique pour l'emploi dans les stations de ski, mais la question finalement du développement économique des régions de montagne dans un contexte où en moyenne montagne, il y a une raréfaction, une réduction de la saison d'enneigement. Ce sont des enjeux à la fois de court terme et de long terme, pour lesquels je pense qu'il faut arriver à se mettre davantage en mouvement. Bien sûr, mais dont on voit bien, Valérie Masson-Delmotte, que là-dessus, sur ces changements de comportement-là, il y a une inertie qui est très forte sur les changements de comportement généraux qu'appellerait justement la lutte contre le réchauffement climatique. On voit bien qu'on a du mal à ne pas changer nos modes de vie, à ne pas changer de téléphone tous les 2 ans alors que le téléphone marche encore. On a du mal à transformer justement nos vieux réflexes, nos habitudes de vie et notre confort quotidien. Oui, et ce qui me frappe aussi souvent, c'est le fait d'essayer de réfléchir à qui on est, par exemple qui on est en France, quelle est notre identité, en regardant le passé. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on regarde plutôt le futur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie d'être collectivement, individuellement, où est-ce qu'on a envie d'aller dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et souvent, on me dit, mais le travail qui est fait pour évaluer l'évolution future du climat, c'est du très long terme. Non, ce n'est pas le cas. Quand on regarde les tendances en termes d'évolution du climat, d'événements extrêmes, de conditions pour le littoral en 2050, moi, 2050, c'est quand mes enfants auront mon âge. Ça va venir très, très vite. Oui, quand on regarde à horizon 2100, avec des futurs très contrastés, en France comme partout dans le monde, en fonction des choix qui vont être faits pour les émissions de gaz à effet de serre, bah, un enfant qui naît aujourd'hui en 2020, il aura 80 ans en 2100. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est vraiment des enjeux qui seront là très vite. Et pour que les gens puissent se les approprier, mais il y a des questions de fond sur l'accès à l'information, les espaces en fait de délibération, de participation. Hier, je faisais un cours à l'Université Paris-Saclay avec une collègue spécialiste plus des enjeux de biodiversité sur la notion de transition juste. Et on avait enregistré le témoignage d'un des participants de la Convention citoyenne pour le climat, en lui demandant finalement quelle était pour lui sa vision de cette expérience et aussi... quelles étaient les conditions pour mettre en œuvre le fait d'agir sur les émissions de gaz à effet de serre en prenant en compte la justice sociale. Et il a vraiment mis l'accent sur l'accès à l'information, le fait de la rendre accessible à tous. Et il expliquait que sa grande préoccupation, c'est que eux, les 150 citoyens, avaient eu le luxe finalement de pouvoir 3 jours par mois s'approprier ces enjeux, en débattre, consulter différentes experts, différentes personnes pour se forger finalement un ensemble de mesures qu'ils proposent au consensus. Et sa grande préoccupation, c'est que les autres 67 millions de Français n'ont pas ce temps-là, n'ont pas cet accès à l'information. Et lui voyait cela comme quelque chose de très injuste également. Mais là aussi, alors on va pas avoir le temps de rentrer dans ce débat-là et sur la question de l'efficacité ou non de la Convention citoyenne pour le climat, dont je rappelle que sur l'ensemble des propositions aujourd'hui, le projet de loi qui est en train d'être écrit ne retiendrait que 40% d'entre elles, contrairement à ce qu'avait dit le président de la République au départ. J'aimerais qu'on revienne sur ces 5 ans de l'accord de Paris, Valérie Masson-Delmotte, pour dire que l'objectif était donc de rester à la fin du siècle en dessous des 2 degrés d'augmentation du climat. On est aujourd'hui, on l'a dit, à 1,2, 1,3 selon les modèles. Alors, ça, c'est à l'échelle météo, en fait. C'est à l'échelle d'une année. Oui, bien sûr, tout à fait. Là, je parle pour l'année 2020. C'est plutôt 1 degré aujourd'hui, voilà. D'accord, plus bon. Allez, mettons 1 degré. Bon, mettons 1 degré. On sait que, comme les gaz à effet de serre, le CO2 dans l'atmosphère, ça a une durée de vie d'environ 200 ans, qu'il y a donc une inertie très très forte de ces gaz à effet de serre avant qu'ils ne se dissipent. C'est-à-dire que si on arrêtait aujourd'hui de produire toute forme de gaz à effet de serre, les températures continueraient à augmenter vraisemblablement de 0,3 à 0,5 degrés. Comment est-il envisageable aujourd'hui que l'on reste, compte tenu de ces informations-là, les 1,5 degrés, tout le monde a à peu près admis que c'était raté et qu'on les dépasserait. En dessous des 2 degrés, ça semble de plus en plus difficile. Il y a des modèles aujourd'hui qui disent que en 2100, on sera au moins à 2 et qu'on peut monter jusqu'à 4,9 degrés de plus avec une moyenne autour de 3,2 degrés. Or, cette augmentation-là, ça a des conséquences qui, de facto, ne sont pas linéaires. Elles sont exponentielles. Passer de 2 à 2,2 degrés de plus, ça fait beaucoup, beaucoup de changements. Aujourd'hui, Valérie Masson-Delmotte, est-ce qu'il faut revoir bien les limites, les ambitions des accords de Paris, ce qu'il faut monter d'un cran pour dire qu'on n'y arrivera pas? Alors, premier point, si on arrêtait tout demain, en fait, le climat changerait très peu. Il n'y a pas, en fait, d'effet inéluctable du fait des émissions passées de gaz à effet de serre ou de particules. Ça, c'est un premier point à noter. On prendrait 0,3 degrés, non? Toujours, non? Non, ah, bon, c'est ce que j'avais lu, autant pour non, moi. Non, sur les émissions passées, non. Il y a en fait des effets inéluctables d'ajustement des glaciers, de propagation d'eau chaude en profondeur dans l'océan qui rendent la montée du niveau des mers inéluctable, mais ça n'est pas le cas pour le réchauffement. D'accord. Le réchauffement à venir dépend des émissions de gaz à effet de serre à venir. Ça, c'est le premier point. Au rythme actuel, on va vers un réchauffement d'un degré et demi qui se produirait en gros entre 2030 et 2050, au sens climat, hein, en moyenne sur une vingtaine d'années, pas pour une année de vie, bien sûr. Mmh. Ça arrivera plus tôt. Et de ce point de vue-là, ce que je voulais dire aussi, c'est que le fait d'atteindre 1,5 degré, 2 degrés, va dépendre des choix qui vont être faits, des politiques publiques qui vont être mises en œuvre, de la réorientation ou pas des investissements hors du secteur des énergies fossiles vers l'efficacité énergétique et toutes les solutions autres bas carbone. Si on parvient à avoir une baisse nette des émissions d'ici à 2030, dans le monde. 2030, c'est après-demain, Valérie Masson-Delmotte. C'est là, c'est juste là. C'est-à-dire que pour arriver à 2030, il faudrait qu'on engage, il me semble, ou alors peut-être que je suis horriblement pessimiste, mais il faudrait qu'on engage des efforts beaucoup plus importants que ceux qui semblent engagés jusqu'à présent. Ou alors peut-être que je suis très pessimiste, vous avez le droit de me le dire. Hein. Donc parmi les points importants, il y a aussi ce qui va se passer du côté des États-Unis, qui ont un rôle économique important et qui ont plutôt joué un effet de frein sur ces dernières années sur l'engagement international. Mais il est possible, techniquement, de parvenir à avoir une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Les conditions clés, en fait, c'est la volonté politique, le cadre fixé par les politiques publiques, mais aussi la volonté citoyenne. Donc, c'est ça ce que je voulais souligner. Et de ce point de vue-là, finalement, chaque tonne de CO2 qu'on émet ou qu'on n'émet pas compte. Et que vous disiez tout à l'heure, l'idée que, par exemple, en 2015, quand on avait signé l'accord de Paris sur le climat, bah, c'était bon. Et puis, 5 ans après, se dire « Ah ben non, finalement, il ne s'est rien passé », ça nous renvoie aussi à notre propre responsabilité. Qu'est-ce qu'on a fait dans notre cadre professionnel? Qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie personnelle? Et donc, il y a cette idée qu'on a besoin d'une action publique claire. Bien sûr. Jouer sur le cadre réglementaire, les incitations, etc. Mais on a aussi besoin d'une action à tous les niveaux de la société. Et ce que je vois monter en puissance, en tout cas, hein, c'est des actions qui changent d'échelle en fait, dans le secteur de la finance. Ce sont des actions qui montent en échelle dans le secteur des entreprises. C'est aussi des actions qui montent en puissance dans le secteur des collectivités. Et puis dans certains cadres professionnels, également, donc des outils en appui à la prise de décision, être capable de faire son bilan carbone, personnel, professionnel, se fixer des objectifs collectifs, je ne sais pas si c'est le cas à Radio France par exemple, arriver à tenir ses objectifs, le mettre en œuvre, c'est une des conditions nécessaires. C'est-à-dire que, à mon sens, il y a bien sûr une responsabilité des gouvernements, des pouvoirs publics, mais il y a aussi une responsabilité collective à chacun d'entre nous avec des leviers d'action qui sont importants et qui existent. Et qu'on peut davantage mobiliser. Est-ce que vous pensez, Valérie Masson-Delmotte, pour conclure, il va y avoir la prochaine COP à Glasgow, qu'aujourd'hui, on a reproché à cet accord de Paris de ne pas être contraignant, contrairement à celui de Kyoto. Est-ce que vous pensez que, compte tenu de ces résultats qui ne sont en tout cas pas encourageants, à défaut de les appeler décevants, il faut serrer la vis et revenir à des formes d'accords plus contraignants pour les pays et pour essayer d'augmenter un peu la cadence? Alors, en fait, dans le mécanisme de l'accord de Paris, la première révision des contributions, finalement, on va l'avoir l'année prochaine, au moment de la COP22. Et là, en fait, les gouvernements sont devant aussi leur opinion publique par rapport au fait de tenir leurs engagements et de les revoir à la hausse. Et par ailleurs, l'autre aspect, c'est peut-être aussi de mieux intégrer les enjeux climat dans les accords de commerce mondial, de sorte finalement à utiliser tous les aspects possibles pour rendre plus contraignant le respect des engagements tenus. Et vous pouvez aussi noter qu'il y a une augmentation du cadre juridique, des recours juridiques qui se multiplient par rapport aux engagements pris par les différents pays. Ça a été par exemple le cas aux Pays-Bas, donc des décisions au plus haut niveau de la justice qui conduisent le gouvernement néerlandais à agir davantage que ce qu'il avait fait. En France aussi, on a des examens à très haut niveau suite à des recours de communes très exposées sur le littoral par rapport à la non-tenue de la stratégie nationale bas carbone. Donc malgré en fait un cadre qui peut être perçu comme non contraignant, selon les outils mis en œuvre propres à chaque pays pour afficher dans la loi les objectifs de baisse d'émissions de gaz à effet de serre, il se construit en fait un cadre juridique qui devient plus contraignant. Merci beaucoup Valérie Masson-Delmotte. Peut-être si on veut se renseigner un peu, vous nous dites, on peut renvoyer sur le rapport du GIEC. Le GIEC qui a proposé un rapport en 2018 qui était assez intéressant avec 4 scénarios d'atténuation justement qui seraient nécessaires pour atteindre le plafonnement à 1,5 degré. On n'a pas vraiment eu le temps d'en discuter, mais il y avait beaucoup de sujets à aborder. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. D'autres textes ou d'autres choses qu'il faudrait lire si on veut prolonger un peu cette conversation et cette émission, Valérie Masson-Delmotte? Eh bien, en fait, les 3 rapports spéciaux du GIEC de 2018-2019, donc sur les trajectoires qui permettraient de contenir le réchauffement à un niveau bas, sur l'océan et les glaces dans un climat qui change, sur le climat et l'utilisation des terres, un point très important, et puis les rapports du Haut Conseil pour le climat qui font le point justement sur les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre de la France et l'empreinte de la France, avec une analyse qui va venir rapidement d'ailleurs du plan de relance. Merci beaucoup. En tout cas, on met tout ça sur notre fil Twitter @laméthodefc. Vous pouvez retrouver ça ensuite plus tard évidemment sur le site de La Méthode Scientifique sur franceculture.fr. Merci beaucoup Valérie Masson-Delmotte de nous avoir accordé 7 heures pour parler des 5 ans de l'accord de Paris. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, à Vétienne, Céline Lozen, Natacha Triou, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, François Malordi, Olivier Bétard à la réalisation, Clément Daté à la technique. Demain, avant toute chose, il devait y avoir le très attendu film, adaptation de Denis Villeneuve du chef-d'œuvre de Frank Herbert, près de 40 ans après celle contestée de David Lynch. La sortie du film a été repoussée, pas celle de la myriade de livres consacrés à Dune. Mais pourquoi donc Dune, plus que toute autre œuvre de science-fiction, passionne-t-elle les universitaires? Avant cela, on se retrouve demain matin à 7h15 pour la radiographie du coronavirus. On vous dira tout sur les publications scientifiques sur les vaccins Pfizer et AstraZeneca. Et puis après, on se retrouvera à 16h, jusqu'à preuve du contraire.